te dis que si tu vis, tu es automatique complice de la société où tu vis. On te dit que si tu respires, tu es automatique d'accord avec toutes les injustices autour de toi. Pas du tout, pas du tout. Comme moi, tu veux la démocratie radicale. Tous les jours, t'es submergé par l'apologie du mensonge et des tromperies qu'on nomme publicitaire. Les mercenaires indignes des télés et journaux. Devant cette déchéance, c'est sûr que t'es pas de leur côté. Pas du tout, un pas du tout. Comme moi, tu veux la démocratie radicale. La démocratie représentative, ou de délégation. N'est qu'un régime parmi d'autres. Il n'y a jamais eu autant de possibilités qu'aujourd'hui. Ça pour les archi-minoritaires, fanatiques du capitalisme. Ils ont perdu toute crédibilité. Et tu ne les suis pas. Tu fais un pas du tout. Comme moi, tu veux la démocratie radicale. Comment ose-t-on t'asséner des décisions auxquelles t'as même pas participé? Comment ose-t-on voler l'argent public pour le fourguer aux escrocs du privé? À tout ça, tu veux plus y participer? Pas du tout, pas du tout. Comme moi, tu veux la démocratie radicale. La démocratie radicale. Celle de tous les partageurs et le premier partageur, c'est d'accepter les vraies conversations. Démocratie radicale.